Nous sommes retournés bien vite, car nous avons beaucoup de chansons de Borzotti à vous faire écouter ce soir dans le train de la musique. Tu veux continuer avec? Je serai là. Elle est vraiment belle, cette chanson. Vraiment, tu la connais? Bien sûr, je la connais. Écoute, et je la joue uniquement pour toi. Je ne te promets pas des matins de soleil, ni des nuits de satin, ni des lunes de miel. Je ne te promets pas des aurores boréales, des perles sur ton corps, des diamants de cristal. Je ne te promets pas de fabuleux trésors, des châteaux en Espagne, des îles au sable d'or. Je ne te promets pas des plages de dentelle, des infinis rivages, des voyages éternels. Mais je te jure, c'est certain et c'est sûr, je serai toujours là, je serai là. Le soir quand t'auras froid, tu peux compter sur moi. Je serai là pour te prendre dans mes bras, te serrer contre moi. Je serai là pour réchauffer ton cœur et pour sécher tes pleurs. Je serai là pour mettre des couleurs dans ta vie du bonheur. Je ne te promets pas des pianos italiens, des solos de guitare, des violons quotidiens. Je ne te promets pas des symphonies d'été, des grandes mélodies, des musiques à danser. Mais je te jure, c'est certain et c'est sûr, je serai toujours là, je serai là. Le soir quand t'auras froid, tu peux compter sur moi. Je serai là pour te prendre dans mes bras, te serrer contre moi. Je serai là pour réchauffer ton cœur et pour sécher tes pleurs. Je serai là pour mettre des couleurs dans ta vie du bonheur. Je serai là le soir quand t'auras froid, tu peux compter sur moi. Je serai là pour te prendre dans mes bras, te serrer contre moi. Je serai là pour réchauffer ton cœur et pour sécher tes pleurs. Je serai là pour mettre des couleurs dans ta vie du bonheur. Je serai là. Vraiment belles les paroles de cette chanson. Je ne savais pas que tu étais une fan de Borzotti. Tu les joues tellement que j'ai fini par les connaître toutes. Tu me fais rire, ma chère. Je ne savais pas que tu prêtais tellement attention à ce que je faisais dans la chambre à côté. Il me faudra faire plus attention dorénavant. Et moi, maintenant, je te dédie une. Écoute les paroles. Elle s'appelle « Chanson pour te dire que je t'aime ». Ça, c'est magnifique. Écoutons la chanson. Vas-y. On va l'écouter. Comme la vague avec la mer, comme la neige avec l'hiver, comme le vent va sur la plaine, courber les blés, jouir aux fontaines, l'horreur et dans l'horreur les villes. Le corps noyé, le cœur tranquille. Je vais comme un navire ouvert chercher l'abîme et la lumière. Je t'aime. J'ai les yeux perdus dans ma tête. Je n'y vois plus que ton visage. Comme une idée fixée secrète, comme un film à la même image. Je t'aime. Je t'aime. Fais silence, mon sang ne bat que ton absence. Je vois les rues comme des décors, les passants comme des oiseaux morts. Y'a des néons comme des soleils, des filles affichées au trottoir. Et toi mon démon, ma merveille, ma fille fleur, mon ange noir. Je t'aime. Te dire le désir, la tendresse, avec des mots comme des caresses, avec des mots comme du velours, te faire comme un manteau d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Solitude nue de cette chambre bien trop vide qui résonne encore de tes rires, où tes rires ne chantent plus. Où es-tu ma lointaine étoile? Quels sont tes étés, tes cigales? Quels sont tes rêves d'aujourd'hui et les lumières de tes nuits? Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu veux continuer à me faire des dédicaces? Celle-là est pour toi. Elle s'appelle Je t'aime. Je mets la main sur la map monde, où tu es quelque part là-bas. Je déteste ce bout du monde où tu m'oublies dans d'autres draps. Je suis l'asphalte du trottoir sur lequel chacun peut marcher. Si tu n'es pas là pour y voir, un jour quelqu'un va m'écraser. Je hais les pays de soleil. Tu te crois bien parce qu'il fait beau. Tu ne te vois plus, tu ne vois que le ciel. C'est la pluie qui fait les héros. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Drôle de solitude, tu m'as laissé tomber. Mal à la certitude que tu vas m'oublier. Même si tu m'oublies déjà aux Caraïbes, même si tu t'enfuis au pied des pyramides. Bien va-t'en, va dans la voir ton Amérique. J'ai de l'humour et du talent, il me restera la musique. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans la trop froide mer du Nord. Je m'accrocherai au bateau, te chercherai dans chaque port. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans la douce solitude, tu m'as laissé tomber, mal à la certitude que tu vas m'oublier. Même si tu m'oublies déjà au Caraïbes, même si tu t'enfuis au pied des pyramides. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci madame, moi aussi je t'aime. Et pour te le montrer, je demanderai à Claude de te chanter cette chanson. Ça pleure aussi un homme. Amour d'un soir, de quelques nuits, quelques semaines, un mois et puis plus d'un été de porcelaine, se brise l'espoir, se plie le chêne dans le miroir de nos baisers. À perdre haleine, à s'enlacer, à faire l'amour derrière la scène, sur le velours des fumigènes. Ça pleure aussi un homme comme ça pleure un chanteur. Il se déshabille le cœur quand s'éteignent les projecteurs. Ça pleure aussi énorme comme ça pleure un chanteur. Il se moque de bonheur pour que changent les couleurs. Ça pleure aussi énorme dans la mémoire de nos je t'aime à devenir fou. Et quand bien même tourne les vents, change le ciel, les sentiments et l'essentiel, c'est provisoire. On le dit toujours, et malgré tout, passons les jours. Et tu t'en fous si je m'écroule sur les genoux. Ça pleure aussi un homme comme ça pleure un chanteur. Il se déshabille le cœur quand s'éteignent les projecteurs. Ça pleure aussi un homme comme ça pleure un chanteur. Il se maquille de bonheur pour que changent les couleurs. Ça pleure aussi un homme. Aussi un homme. ¿Quieres continuar con el mismo ritmo? Allons-y. Claude Chatelier. T'amo et t'amero. J'ai tout essayé pour te plaire. Les fleurs, l'humour et la tendresse. Contre ma nature en colère, je t'ai fait la cour à la française. Et ma dernière chance avec toi est une chanson italienne pour que tu tombes dans mes bras. Une chanson napolitaine. T'amo et t'amero, per la vita con la mente. Écoute l'Italie, écoute et puis oublie le coup de la romance, c'est ma dernière chance. Écoute l'italien, écoute et puis ne dis rien. Dans ma voix de brouillard, y a de curieux pouvoirs. De mourir, le vieux mythe de Roméo, de l'italien qui sait séduire avec la musique et les mots. Je ne joue plus, infinito. Tu me préfères en Al Capone, en séducteur, en mafioso. Écoute, je t'emmène à Vérone, je te le dis. C'est moi qui fais la mise en scène, c'est moi qui invente l'amour. C'est vrai que ça ne se fait plus et qu'il faut vivre avec son temps. Mais tu sais bien que l'italien chante depuis la nuit des temps. T'amo et t'amero, per la vita con la mente. Tu veux faire la course avec moi? On y va. Écoutons Claude qui te dit ce que je pense de toi maintenant. Belle, c'est le titre de la chanson. Et cette chanson est pour toi et tu vas l'écouter. Sécher les encriers à force de t'écrire. Belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser sans voix les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle comme un rocher, un océan, un donné le blues au miroir, aux photos des tiroirs. Belle a donné des émotions aux villes de béton. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle, comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle doit partir, je vais en mourir. Belle, belle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner avec de la couleur à l'eau ton infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans un peu la trahir. Belle à pouvoir toucher le cœur des tyrans, des bourreaux, à chasser nos démons, nos peurs, à brûler les drapeaux. Belle à imposer le silence au clairon, au tambour, à redonner de l'espérance aux exclus de l'amour. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle, comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Ah, ok, Amy. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Oh, es tiempo de terminar ahora. Bueno, ha sido un verdadero placer haber viajado contigo y con ustedes en el tren de la música. Y solo por ahora me resta decir bonne nuit a tous. Hasta el próximo domingo. A bientôt. Merci beaucoup. Ok, mais moi je ne vais pas m'arrêter ainsi. Avant de terminer, je veux jouer une dernière musique pour mes chers auditeurs de Mochis qui nous écoutent dans le train de la musique ce soir. Et cette musique s'appelle Où c'était. Ok, ce sera la dernière pour ce soir. Je vous dis bonsoir. À dimanche prochain sur la même longueur d'onde, la 820 AM, la Radio Universidad del Occidente, à Mochis, Sinaloa, au Mexique. Toujours à votre service. Alors on vous dit bonsoir et à bientôt. Tu vois, je ne sais plus très bien ni où tu vas, ni d'où tu viens. Mais je ne t'oublierai jamais, mon compagnon, mon naufragé. On est en pleine mer, en plein cœur de Paris. Dans ton sourire amer, j'ai tout lu, tout compris. Tu t'es levé, tu m'as suivi, comme un chien perdu sans collier. Sans savoir, on s'est arrêté devant un bar et je t'ai dit, si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes tiroirs. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On sera ivre mort, on se ressemblera. «